Chapitre 4 du catholicisme. La religion catholique est plus tolérante en Allemagne que dans tout autre pays. La paix de Westphalie ayant fixé les droits des différentes religions, elles ne craignent plus leurs envahissements mutuels. Et d'ailleurs, le mélange des cultes, dans un grand nombre de villes, a nécessairement amené l'occasion de se voir et de se juger. Dans les opinions religieuses comme dans les opinions politiques, on se fait de ses adversaires un fantôme qui se dissipe presque toujours par leur présence. La sympathie nous montre un semblable dans celui qu'on croyait son ennemi. Le protestantisme étant beaucoup plus favorable aux Lumières que le catholicisme, les catholiques en Allemagne se sont mis sur une espèce de défensive qui nuit beaucoup au progrès des idées. Dans les pays où la religion catholique régnait seule, tels que la France et l'Italie, on a su la réunir à la littérature et aux beaux-arts. Mais en Allemagne, où les protestants se sont emparés, par les universités et par leurs tendances naturelles, de tout ce qui tient aux études littéraires et philosophiques, les catholiques se sont crus obligés de leur opposer un certain genre de réserve, qui éteint presque tout moyen de se distinguer dans la carrière de l'imagination et de la pensée. La musique est le seul des beaux-arts porté, dans le midi de l'Allemagne, à un plus haut degré de perfection que dans le Nord, à moins que l'on ne compte comme l'un des beaux-arts un certain genre de vie commode, dont les jouissances s'accordent assez bien avec le repos de l'esprit. Il y a, parmi les catholiques, en Allemagne, une piété sincère, tranquille et charitable, mais il n'y a point de prédicateurs célèbres, ni d'écrivains religieux à citer. Rien n'y excite le mouvement de l'âme. L'on y prend la religion comme une chose de fait où l'enthousiasme n'a point de part, et l'on dirait que, dans un culte si bien consolidé, l'autre vie elle-même devient une vérité positive sur laquelle on n'exerce plus la pensée. La révolution qui s'est faite dans les esprits philosophiques en Allemagne depuis 30 ans les a presque tous ramenés aux sentiments religieux. Ils s'en étaient un peu écartés lorsque l'impulsion nécessaire pour propager la tolérance avait dépassé son but. Mais en rappelant l'idéalisme dans la métaphysique, l'inspiration dans la poésie, la contemplation dans les sciences, on a renouvelé l'empire de la religion. Et la réforme de la réformation, ou plutôt la direction philosophique de la liberté qu'elle a donnée, a banni pour jamais, du moins en théorie, le matérialisme et toutes ses applications funestes. Au milieu de cette révolution intellectuelle, si féconde en nobles résultats, quelques hommes ont été trop loin, comme il arrive toujours dans les oscillations de la pensée. On dirait que l'esprit humain se précipite toujours d'un extrême à l'autre, comme si les opinions qu'il vient de quitter se changeaient en remords pour le poursuivre. La réformation, disent quelques écrivains de la nouvelle école, a été la cause de plusieurs guerres de religion. Elle a séparé le nord du midi de l'Allemagne, elle a donné aux Allemands la funeste habitude de se combattre les uns les autres, et ces divisions leur ont ôté le droit de s'appeler une nation. Enfin, la réformation, en introduisant l'esprit d'examen, a rendu l'imagination aride et mis le doute à la place de la foi. Il faut donc, répètent ces mêmes hommes, revenir à l'unité de l'Église en retournant au catholicisme. D'abord, si Charles Quint avait adopté le luthéranisme, il y aurait eu de même unité dans l'Allemagne. Et le pays entier serait, comme la partie du Nord, l'asile des sciences et des lettres. Peut-être que cet accord aurait donné naissance à des institutions libres, combinées avec une force réelle. Et peut-être aurait-on évité cette triste séparation du caractère et des Lumières qui a livré le Nord à la rêverie et maintenu le Midi dans son ignorance. Mais, sans se perdre en conjectures sur ce qui serait arrivé, calcul toujours très incertain, on ne peut nier que l'époque de la Réformation ne soit celle où les lettres et la philosophie se sont introduites en Allemagne. Ce pays ne peut être mis au premier rang ni pour la guerre, ni pour les arts, ni pour la liberté politique. Ce sont les Lumières dont l'Allemagne a droit de s'enorgueillir, et son influence sur l'Europe pensante date du protestantisme. De telles révolutions ne s'opèrent ni se détruisent par des raisonnements. Elles appartiennent à la marche historique de l'esprit humain, et les hommes qui paraissent en être les auteurs n'en sont jamais que les conséquences. Le catholicisme, aujourd'hui désarmé, a la majesté d'un vieux lion qui jadis faisait trembler l'univers. Mais quand les abus de son pouvoir amenèrent la réformation, il mettait des entraves à l'esprit humain. et loin que ce fût par sécheresse de cœur qu'on s'opposait alors à son ascendant, c'était pour faire usage de toutes les facultés de l'esprit et de l'imagination qu'on réclamait avec force la liberté de penser. Si des circonstances toutes divines, et où la main des hommes ne se fit sentir en rien, amenaient un jour un rapprochement entre les deux églises, on prierait Dieu, ce me semble, avec une émotion nouvelle, à côté des prêtres vénérables qui, dans les dernières années du siècle passé, ont tant souffert pour leur conscience. Mais ce n'est sûrement pas le changement de religion de quelques hommes, ni surtout l'injuste défaveur que leurs écrits tendent à jeter sur la religion réformée, qui pourrait conduire à l'unité des opinions religieuses. Il y a dans l'esprit humain deux forces très distinctes. L'une inspire le besoin de croire, l'autre celui d'examiner. L'une de ces facultés ne doit pas être satisfaite aux dépens de l'autre. Le protestantisme et le catholicisme ne viennent point de ce qu'il y a eu des papes et un Luther. C'est une pauvre manière de considérer l'histoire que de l'attribuer à des hasards. Le protestantisme et le catholicisme existent dans le cœur humain. Ce sont des puissances morales qui se développent dans les nations parce qu'elles existent dans chaque homme. Si, dans la religion, comme dans les autres affections humaines, on peut réunir ce que l'imagination et la raison souhaitent, il y a paix dans l'homme. Mais en lui, comme dans l'univers, la puissance de créer et celle de détruire, la foi et l'examen, se succèdent et se combattent. On a voulu, pour réunir ces deux penchants, creuser plus avant dans l'âme. Et de là sont venues les opinions mystiques, dont nous parlerons dans le chapitre suivant. Mais le petit nombre de personnes qui ont abjuré le protestantisme n'ont fait que renouveler des haines. Les anciennes dénominations raniment les anciennes querelles. La magie se sert de certaines paroles pour évoquer les fantômes. On dirait que sur tous les sujets, il y a des mots qui exercent ce pouvoir. Ce sont ceux qui ont servi de ralliement à l'esprit de parti. On ne peut les prononcer sans agiter de nouveau les flambeaux de la discorde. Les catholiques allemands se sont montrés jusqu'à présent très étrangers à ce qui se passait à cet égard dans le Nord. Les opinions littéraires semblent la cause du petit nombre de changements de religion qui ont eu lieu, et l'ancienne et vieille Église ne s'en est guère occupée. Le comte Frédéric Stolberg, homme très respectable par son caractère et par ses talents, célèbre dès sa jeunesse comme poète, comme admirateur passionné de l'Antiquité et comme traducteur d'Homère, a donné le premier en Allemagne le signal de ces conversions nouvelles qui ont eu depuis des imitateurs. Les plus illustres amis du comte Stolberg, Klopstock, Voss et Jacobi, se sont éloignés de lui pour cette abjuration qui semble désavouer les malheurs et les combats que les réformés ont soutenus pendant 3 siècles. Cependant, M. de Stolberg vient de publier une histoire de la religion de Jésus-Christ faite pour mériter l'approbation de toutes les communions chrétiennes. C'est la première fois qu'on a vu les opinions catholiques défendues de cette manière. Et si le comte de Stolberg n'avait pas été élevé dans le protestantisme, peut-être n'aurait-il pas eu l'indépendance d'esprit qui lui sert à faire impression sur les hommes éclairés. On trouve dans ce livre une connaissance parfaite des saintes écritures et des recherches très intéressantes sur les différentes religions de l'Asie en rapport avec le christianisme. Les Allemands du Nord, lors même qu'ils se soumettent aux dogmes les plus positifs, savent toujours leur donner l'empreinte de leur philosophie. Le comte de Stolberg attribue à l'Ancien Testament, dans son ouvrage, une beaucoup plus grande part que les écrivains protestants ne lui en accordent d'ordinaire. Il considère le sacrifice comme la base de toute religion et la mort d'Abel comme le premier type de ce sacrifice qui fonde le christianisme. De quelque manière qu'on juge cette opinion, elle donne beaucoup à penser. La plupart des religions anciennes ont institué des sacrifices humains, mais dans cette barbarie, il y avait quelque chose de remarquable. C'est le besoin d'une expiation solennelle. Rien ne peut effacer de l'âme, en effet, la conviction qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans le sang de l'innocent et que la terre et le ciel s'en émeuvent. Les hommes ont toujours cru que des justes pouvaient obtenir, dans cette vie ou dans l'autre, le pardon des criminels. Il y a dans le genre humain des idées primitives qui paraissent plus ou moins défigurées dans tous les temps et chez tous les peuples. Ce sont ces idées sur lesquelles on ne saurait se lasser de méditer. car elle renferme sûrement quelques traces des titres perdus de la race humaine. La persuasion que les prières et le dévouement du juste peuvent sauver les coupables est sans doute tirée des sentiments que nous éprouvons dans les rapports de la vie. Mais rien n'oblige, en fait de croyances religieuses, à rejeter ces inductions. Que savons-nous de plus que nos sentiments ? Et pourquoi prétendrait-on qu'ils ne doivent point s'appliquer aux vérités de la foi ? Que peut-il y avoir dans l'homme que lui-même ? Et pourquoi, sous prétexte d'anthropomorphisme, l'empêcher de former, d'après son âme, une image de la divinité ? Nul autre messager ne saurait, je pense, lui en donner des nouvelles. Le comte de Stolberg s'attache à démontrer que la tradition de la chute de l'homme a existé chez tous les peuples de la terre, et particulièrement en Orient, et que tous les hommes ont eu dans le cœur le souvenir d'un bonheur dont ils avaient été privés. En effet, il y a dans l'esprit humain deux tendances aussi distinctes que la gravitation et l'impulsion dans le monde physique. C'est l'idée d'une décadence et celle d'un perfectionnement. On dirait que nous éprouvons tout à la fois le regret de quelques beaux dons qui nous étaient accordés gratuitement et l'espérance de quelques biens que nous pouvons acquérir par nos efforts. De manière que la doctrine de la perfectibilité et celle de l'âge d'or, réunies et confondues, excitent tout à la fois dans l'homme le chagrin d'avoir perdu et l'émulation de recouvrer. Le sentiment est mélancolique et l'esprit audacieux. L'un regarde en arrière, l'autre en avant. De cette rêverie et de cet élan naît la véritable supériorité de l'homme. Le mélange de contemplation et d'activité, de résignation et de volonté qui lui permet de rattacher au ciel sa vie dans ce monde. Stolberg n'appelle chrétiens que ceux qui reçoivent avec la simplicité des enfants les paroles de l'Écriture sainte. Mais il porte dans l'interprétation de ces paroles un esprit de philosophie qui ôte aux opinions catholiques ce qu'elles ont de dogmatique et d'intolérant. En quoi diffèrent-ils donc entre eux ces hommes religieux dont l'Allemagne s'honore ? Et pourquoi les noms de catholiques ou de protestants les sépareraient-ils ? Pourquoi seraient-ils infidèles au tombeau de leurs aïeux, pour quitter ces noms ou pour les reprendre ? Klopstock n'a-t-il pas consacré sa vie entière à faire d'un beau poème le temple de l'Évangile ? Herder n'est-il pas, comme Stolberg, adorateur de la Bible ? Ne pénètre-t-il pas dans toutes les beautés de la langue primitive et des sentiments d'origine céleste qu'elle exprime ? Jacobi ne reconnaît-il pas la divinité dans toutes les grandes pensées de l'homme ? Aucun de ces hommes recommanderait-il la religion uniquement comme un frein pour le peuple ? Comme un moyen de sûreté publique, comme un garant de plus dans les contrats de ce monde ? Ne savent-ils pas tous que les esprits supérieurs ont encore plus besoin de piété que les hommes du peuple ? Car le travail maintenu par l'autorité sociale peut occuper et guider la classe laborieuse dans tous les instants de sa vie, tandis que les hommes oisifs sont sans cesse en proie aux passions et aux sophismes qui agitent l'existence et remettent tout en question. On a prétendu que c'était une sorte de frivolité dans les écrivains allemands de présenter comme l'un des mérites de la religion chrétienne l'influence favorable qu'elle exerce sur les arts, l'imagination et la poésie. Et le même reproche a été fait à cet égard au bel ouvrage de M. de Chateaubriand sur le génie du christianisme. Les esprits vraiment frivoles, ce sont ceux qui prennent des vues courtes pour des vues profondes, et se persuadent qu'on peut procéder avec la nature humaine par voie d'exclusion et supprimer la plupart des désirs et des besoins de l'âme. C'est une des grandes preuves de la divinité de la religion chrétienne que son analogie parfaite avec toutes nos facultés morales. Seulement, il ne me paraît pas qu'on puisse considérer la poésie du christianisme sous le même aspect que la poésie du paganisme. Comme tout était extérieur dans le culte païen, la pompe des images y est prodiguée, le sanctuaire du christianisme étant au fond du cœur, la poésie qui l'inspire doit toujours naître de l'attendrissement. Ce n'est pas la splendeur du ciel chrétien qu'on peut opposer à l'Olympe, mais la douleur et l'innocence, la vieillesse et la mort qui prennent un caractère d'élévation et de repos à l'abri de ces espérances religieuses dont les ailes s'étendent sur les misères de la vie. Il n'est donc pas vrai, ce me semble, que la religion protestante soit dépourvue de poésie parce que les pratiques du culte y ont moins d'éclat que dans la religion catholique. les cérémonies, plus ou moins bien exécutées, selon la richesse des villes et la magnificence des édifices, ne sauraient être la cause principale de l'impression que produit le service divin. Ce sont ces rapports avec nos sentiments intérieurs qui nous émeuvent, rapports qui peuvent exister dans la simplicité comme dans la pompe. J'étais, il y a quelque temps, dans une église de campagne, dépouillée de tout ornement. Aucun tableau n'en décorait les blanches murailles. Elle était nouvellement bâtie, et nul souvenir d'un long passé ne la rendait vénérable. La musique même que les saints les plus austères ont placée dans le ciel comme la jouissance des bienheureux se faisait à peine entendre, et les psaumes étaient chantés par des voix sans harmonie que les travaux de la terre et le poids des années rendaient rauques et confuses. Mais au milieu de cette réunion rustique, où manquaient toutes les splendeurs humaines, on voyait un homme pieux dont le cœur était profondément ému par la mission qu'il remplissait. Note. Monsieur Célérier, pasteur de Satigny, près de Genève. Fin de note. Ses regards, sa physionomie, pouvaient servir de modèle à quelques-uns des tableaux dont les autres temples sont parés. Ses accents répondaient au concert des anges. Il y avait là, devant nous, une créature mortelle, convaincue de notre immortalité, de celle de nos amis que nous avons perdus, de celle de nos enfants qui nous survivront de si peu dans la carrière du temps. Et la persuasion intime d'une âme pure semblait une révélation nouvelle. Il descendit de sa chair pour donner la communion aux fidèles qui vivent à l'abri de son exemple. Son fils était comme lui ministre de l'Église et, sous des traits plus jeunes, il avait, ainsi que son père, une expression pieuse et recueillie. Alors, suivant l'usage, le père et le fils se donnèrent mutuellement le pain et la coupe, qui servent chez les protestants de commémoration au plus touchant des mystères. Le fils ne voyait dans son père qu'un pasteur plus avancé que lui dans l'état religieux qu'il voulait suivre. Le père respectait dans son fils la sainte vocation qu'il avait embrassée. Tous deux s'adressèrent, en communiant ensemble, les passages de l'Évangile, faits pour resserrer d'un même lien les étrangers comme les amis. Et, renfermant dans leur cœur tous les deux leurs sentiments les plus intimes, ils semblaient oublier leurs relations personnelles en présence de la divinité, pour qui les pères et les fils sont tous également des serviteurs du tombeau et des enfants de l'espérance. Quelle poésie! Quelle émotion, source de toute poésie, pouvait manquer au service divin dans un tel moment? Les hommes dont les affections sont désintéressées et les pensées religieuses, les hommes qui vivent dans le sanctuaire de leur conscience et savent y concentrer, comme dans un miroir ardent, tous les rayons de l'univers, ces hommes, dis-je, sont les prêtres du culte de l'âme. Et rien ne doit jamais les désunir. Un abîme sépare ceux qui se conduisent par le calcul et ceux qui sont guidés par le sentiment. Toutes les autres différences d'opinion ne sont rien, celle-là seule est radicale. Il se peut qu'un jour un cri d'union s'élève et que l'universalité des chrétiens aspire à professer la même religion théologique, politique et morale. Mais avant que ce miracle soit accompli, tous les hommes qui ont un cœur et qui lui obéissent doivent se respecter mutuellement.